Plage normande par André Theuriet. Falaise d'aval. Depuis des années, hôte assidu de la corniche ou des lacs suisses, je n'avais plus revu les côtes de la Manche. Je les retrouve aujourd'hui avec bonheur. Cette mer sonnante, toujours en mouvement sur sa plage caillouteuse, a quelque chose d'autrement allègre, tonique et réveillant que la Méditerranée ou les lacs. Les couleurs y sont moins opulentes, mais aussi moins violente, plus tendrement fondue et caressante à l'œil. Et puis, ces côtes escarpées et crayeuses, où tournoie le vol des guillemots, ces bancs de galets, où la vague déferle, tantôt lamentable et tantôt joyeuse, me rappellent les jours vagabonds d'autrefois, alors que je cheminais d'un pied léger à la crête des falaises qui vont de Cailleux à Tréport. Et il me semble que le vent du large me souffle au visage des révifs de jeunesse. Ce matin, au sommet de la falaise d'aval, j'ai joui pleinement de cette impression de rajeunissement. Un clair soleil, un vent gai et, au-dessus de ma tête, des virevoltes d'hirondelles, de bruyantes envolées des tourneaux. Dans l'échancrure du fond, étretat, à peine visible parmi la verdure des jardins, s'éveille sous un flottant voile de fumée bleue. Devant moi, la mer montante moutonne à perte de vue. Une mer d'un vert glauque, où l'écume des vagues et la toile des barques sèment des taches blanches, où l'ombre portée des nuages rapides fait courir de changeantes moires d'azur foncé. Du côté de la terre, à l'horizon, des îlots de feuilletés marquent la place des fermes éparses dans la campagne. Sur le versant abrupt d'un pâtis, un troupeau de moutons dégringole sous la conduite d'un pâtre, et plus loin, parmi les étheules, j'aperçois les clôtures du parc vide et la maisonnette roulante du berger, à quelques pas des meules en forme de soupière qui luisent au soleil. La récolte est enlevée à peine et déjà le paysan normand songe aux semailles. Là-bas, des claquements de fouet résonnent. L'attelage, la charrue et le laboureur s'enlèvent en silhouette sur le fond laiteux de la mer. Çà et là, des vaches vautrées ruminent dans l'évasement d'une valeuse. Et comme un rappel des flâneries rustiques de ma 20e année, je découvre dans le gazon toute une bande d'agarics, des prés, épanouissant en cercle, dans l'herbe plus drue et plus foncée, leurs chapeaux couleur de neige. Saint-Juin. La voiture tourne court à l'entrée d'une rue de village aux masures basses et débouche par une large allée de gravier devant une maison à deux étages où une vigne grimpe parmi des espaliers. C'est l'hôtel de Paris, tenu par Ernestine, l'accueillante hôtesse tant célébrée par les peintres et les gens de lettres. Le logis a plutôt l'air d'un cottage que d'une hôtellerie. L'intérieur tient à la fois du musée et de la boutique de bric-à-brac. Les murs sont garnis de toiles signées par des artistes connus, d'autographes laudatifs soigneusement encadrés. Des armoires normandes encombrées de bibelots, des fauteuils Louis XV, des coffres de mariage, des cuivres et des étains composent l'ameublement. Près de la fenêtre, sous le jour cru qui tombe du jardin, une femme obèse, aux joues hâlées, au nez coiffé de lunettes, converse avec deux Anglais. C'est celle qui fut la belle Ernestine. Les impitoyables années, hélas, ont accompli leur meurtrière besogne. Elles ont alourdi les formes jadis sveltes, empâté les traits et blanchi les cheveux. Pourtant, quand cette massive personne s'anime et sourit, on retrouve encore sur son visage les restes de sa beauté tant vantée. Ses yeux sont lumineux et caressants. Le sourire de la bouche découvre de jolies dents blanches. Les cheveux, tordus à la diable, ont gardé leur opulente épaisseur. La mélancolie de la vieillesse approchante ne paraît pas avoir mordu sur cette robuste nature normande. Au milieu des portraits et des autographes qui chantent sa beauté du temps jadis, la belle Ernestine ne montre point qu'elle souffre du contraste de ses succès d'autrefois avec les désillusions qu'amènent fatalement les années survenantes. Elle semble accepter son lot en philosophie. C'est avec une aimable sérénité qu'elle nous guide à travers les allées fleuries de son jardin à la française. Elle a conservé intelligemment à son petit domaine l'originale saveur du terroir. À l'extrémité du jardin s'ouvre un clos où les pommiers plient vers l'herbe drue leurs branches lourdes de fruits. Les arbres poussent leur frondaison jusqu'au seuil d'un vaste atelier plein de vieux meubles, de chapes, de crucifix d'argent, de hauts chandeliers de fer et de lanternes de cuivre curieusement ouvragées. Notre hôtesse nous y introduit et nous laisse entendre qu'elle cède parfois, à prix coûtant, quelques-uns de ses bibelots à des amateurs. La belle Ernestine se console de la fuite des années en collectionnant des meubles anciens et en les vendant très cher aux Anglais. Étretat. Dans ces stations de bains de mer, quasi vides pendant 9 mois, où tout d'un coup, durant quelques semaines, les baigneurs s'entassent au petit bonheur, rien de plus amusant à observer que les détails du campement de ces hôtes d'une saison, qui s'abattent par nuées sur les plages à la mode. Les possesseurs de villas étant l'exception, le gros des visiteurs se case où il peut. Les hôtels bondés déversent leur trop-plein chez l'habitant, et dans tout le bourg, pas une chambre ne reste inoccupée. De l'appartement où l'excellent patron de l'hôtel Hauteville nous a installés, j'assiste chaque matin sans le vouloir au train-train familier de mes voisins, car ici la vie privée est loin d'être murée. Baigneurs et baigneuses vivent fenêtres ouvertes, et si peu indiscret que l'on soit, on pénètre bon gré mal gré dans l'intimité de ses vis-à-vis. Curieux, ces réveils des hôtes masculins ou féminins des maisons meublées, tandis que des servantes trimballent par les rues les plateaux du premier déjeuner. Sur le fond sombre des murs, les pimpantes toilettes de la veille, accrochées au porte-manteau, jettent dans l'ombre des notes chatoyantes. On entrevoit la table ronde où la famille prend le thé, le lit défait, le lavabo avec son assortiment de flacons et de brosses. Dans l'encadrement d'une croisée entrebâillée, dont les rideaux volent au vent de mer, on peut lorgner un bout d'épaule nu et un maigre bras de jeune fille tordant son chignon devant la glace. Plus loin, un gros homme à tête crépue, à ventre bedonnant, s'exhibe sans façon, tout ruisselant, au sortir de son tube. Si sommaire que soit le campement, si banal que soit l'ameublement, l'humeur et les préférences de l'occupant finissent néanmoins par y mettre une couleur personnelle. Ici, une table encombrée de livres. Là, des raquettes de tennis ou bien un bouquet de fleurs sauvages trempant dans un vase de grès vous renseignent sur les goûts et les caractères de l'hôte de passage et vous permettent de connaître un peu de son état d'âme. Ce matin, le hasard d'une visite m'a conduit dans l'intérieur d'une artiste du casino. La maison étroite, en bâton de perroquet, a une pièce à chaque étage. Dans la chambre du rez-de-chaussée, une petite servante ébouriffée dispose des assiettes de faïence sur une table ronde, nappée de linge blanc. La maîtresse du logis, qui chante ce soir au concert pour la dernière fois, a invité ses camarades. Un déjeuner d'adieu, et la petite bonne, affairée, vole comme une hirondelle de la table à ses fourneaux. Un filet de bœuf piqué de lardons et tout est prêt pour la rôtissoire s'étale bien en vue sur l'étagère d'un bureau où des partitions et des romans à couverture jaune s'entassent non loin d'un pot de gloxinia rose et où s'écroule une panarée de reines Claude juteuses. Ça et là, un petit paquet de tabac et du papier à cigarettes, des gants longs, une ruche mauve gisent et part. Un rayon de soleil glissant à travers le quadrillé rouge du rideau, jette une flambée de lumière sur ce joli désordre qui rappelle celui de Philippine dans le roman de Wilhelm Meister. À l'étage supérieur, on entend la voix fraîche et éclatante de l'artiste qui chante la Magdalena de Carmen tout en activant sa toilette car on lui a annoncé ma visite intempestive. Du haut de l'escalier, en échelle de meunier, la même voix, un instant après, s'écrie. Me voici. En même temps, une petite tête fine et brune comme celle d'une vierge de Louigny se montre au-dessus de la rampe et brusquement, la chanteuse dévale le long des marches dans un envolement de jupe beige. Vocotte, depuis l'église de Vatetot, dont le clocher de pierre émerge d'un massif d'orme, une route en pente descend entre des talus verts que bordent des alignements de hêtres et de chênes. Le chemin au rapide tournant se fraye une voie sinueuse à travers des prairies inclinées, des vergers bien affruités et des hêtraies aux larges retombées. Sous ces abris verdoyants, des toits de chaume apparaissent, précédés d'un jardinet où rumine une vache café au lait. De ci, de là, des villas modestes élèvent leurs toits aigus au-dessus des feuillées abondantes. Et ainsi, de plus en plus encaissée entre de hauts buissons, la route arrive au bas des falaises où, tout à coup, une échancrure laisse voir un coin de mer d'un vert bleuissant. Heureuse plage qui ne connaît encore ni les casinos ni les petits chevaux, ceux qui vivent dans ce coin vert n'y sont venus que pour chercher une pacifique fraîcheur. On y rêve d'une colonie de peintres et de poètes, uniquement occupés de contemplation esthétique et de tranquille méditation. Et pourtant, qui sait, si l'on plantait sa tente dans cette mignonne vallée de Tempé, peut-être y découvrirait-on les mêmes vanités exaspérées et les mêmes rivalités frivoles que parmi les plages à la mode. Si la paix n'existe pas là, sans doute plus qu'ailleurs, du moins on y respire à plein poumon une exquise odeur de fleurs sauvages. Mêlées aux ronces, les chèvrefeuilles couvrent tout un revers de la falaise. Leurs grappes foisonnantes, capricieuses et grimpantes, teignent d'une nuance rose pâle l'épais moutonnement des ronciers. L'air est imprégné de leur senteur vanillée. Cette agreste haleine m'a rappelé les bois de mon pays et elle a embaumé pour moi le paysage de vos côtes. C'était Plage normande d'André Theuriet.